Je vous salue Doudou, l'aîné de grâce, Doudou Bachala, et on est Alpha et l'Oméga ya la vie nangaï. Voici moke qui te connaît, brésilienne. Écoute ma prière, Maro. Je t'en supplie, chérie, l'aîné de grâce, les guillards champagne, Zalata jus d'orange, Ngana Melayo. Baye pa koya na sima pa kuta seko pa pamba Ito di ba fumi ma ou na kati Na retire parol Nyonso na loba ki na se ampongi Na ebi ba koloba kasi je m'en fous Na ete na kinda bolingo Awa onse Mpo na zangi avoka To metre oyo akouple de kozo nangaye Fifi baron na papi ba kondi mate Jeje ba chona blanche ba talinga ipamri Na lela nanani doudou Et s'il y a de la place pour deux Il y en aura même pour trois na sengi na yo doudou Koti sanga na katia tana finani Li kamote c'est bolingo Rama, un petit acolat vraiment. Tana, le chef cobra. le vieux Akodo Masombo. Un moumango et koui kaka. Nakoyae, nakoya kope sa yo mote manangai. Ote kango na zando yabike ko. Medio kimingai. Nani lesu swa kosa na entretien nango Izebola, kuturoba na kozonga kopesa yo motema ya poma Yote kango tangwa exposition oeuvre d'art Medio kimingai Nani lesu swa kosa na entretien nango Chancele mito Yo ye bindenge ngana lila kaya dudu Yo kandenge na konzembe na yo bashala Pona bala dudu Basengi nga bon mache Pona kwe la chéri Basengi nga bon fleuri Loko leza ya leta Kana kozanga iye Tous pepele ya mbetolo Na sengi yo elo kote dudu Nga na sengi yo sekiri ya bolingo basho Pesanga ya mbo Ata eteni ya compréhension Pesanga vama Ata kuyere ya affection Seke mpi minga ya mbo Na kumi bwaka na shita baraja inga ye Na nili susu ako sala Retena mbo Tata mapasa baleni oi Na nili susu ako sala Restaurant Schengen Place à Londres. Ja. Kadema, champagne na bitilise.